suis d'accord que l'amour, c'est un mot galvaudé, dans le sens que ça charrie beaucoup de choses puis que ça invite à une subjectivité d'interprétation. Moi, à mes yeux, l'amour, c'est un principe cosmique de liaison. Donc, c'est lié au vibratoire. Il existe de l'amour, il peut y avoir de l'amour pas intelligent. Ce n'est pas nécessairement de la haine. Si on sort de la polarité. Donc, comme si on prend un autre principe comme l'intelligence, on pourrait dire que l'amour intelligent, ça donne le respect, par exemple. Donc, ça vient créer. Puis, il y a dans le respect la notion d'espace, puis de distance. Mais en même temps qu'une liaison de lien, quand même. Donc, le respect pourrait faire que, loin ou près des yeux, il y a le cœur pareil parce qu'il est devenu un deuxième cerveau. C'est l'affaire de l'amour. Si on parle au sens l'amour, les yeux dans la graisse de Bine, en tant que sentiment animal, c'est-à-dire de l'animé qui est incarné sans intelligence, là, c'est sûr que c'est très puissant. C'est ça qui fait qu'entre autres, une chatte va tout faire pour sauver ses petits, ça on peut dire, mais aussi ça peut être ça qui fait qu'elle s'en débarrasse à un moment donné. Puis l'affaire, c'est qu'il faut que ce soit ajusté. L'harmonie. Mais oui, c'est sûr que c'est galvaudé.